maternité. Au lycée de la révolution, massacre à la prix Nobel. Ils vont jouer au sommet et jouer au boucoulé. Fini l'examen, à la collection. Yo moi Ibe, on va les sous-sous. Le seul miracle dans la vie de l'homme, c'est le travail. Le compte est le banc, le combat en bas, des lignes de protection, les données ont changé. Ça passe, ça casse. C'est ça la loi de la pesanteur. On voit qu'il est bambin à du colo, et qu'on croit qu'on va venir. Au commencement, il y avait des lignes. On suit pas l'étoile filante par une fusée. On monte en